그렇죠. 왜 내일 얄 오빠 가기 배고픈 부지 패대원 멜폼 푸드 버리던 J'aime bien ton style, tes battes, tes bonnes. Quittez-moi pas les bords des cigognes. Pas besoin de pour mettre en forme. Des trois phrases pour moi étonner. Mademoiselle, vous m'en fou. Mademoiselle, vous m'en fou. Hey, je voudrais de rendez-vous. Je voudrais de rendez-vous. Hey, baby, it's gonna be alright. Baby, gonna be alright. Oui, mais nous qui est alright. Baby, gonna be alright. Baby, it's gonna be alright. Baby, gonna be alright. Oui, mais nous qui est alright. Oui, mais nous qui est alright. Pas moi en dernier danse. Ou bien en dîner danse. Moi qui mettez l'ensemble. Et nous qui finis ensemble. Mais Paris parti tout seul. Les mots, ou en mettez l'en en ciel. Ou chargez, qu'on charge d'assaut. Ou pique. Commando, vous avez une peau douce. Permettez que je la touche. Si je m'approche de votre bouche. Baby, it's gonna be alright. Baby, gonna be alright. Oui, mais nous qui est alright. Baby, gonna be alright. Baby, it's gonna be alright. Baby, gonna be alright. Oui, mais nous qui est alright. Oui, mais nous qui est alright. Tout près moi et danser et puis moi je suis pas un mauvais garçon, j'ai des locks mais mon passon. Oui moi nous qui aille loin, mais oui j'apprendrai bien mes leçons, mais oui tu deviendras ma passion. Baby it's gonna be alright. Baby it's gonna be alright. Baby it's gonna be alright. It's gonna be alright. Baby it's gonna be alright. Bonne tonne.